L'épître de Paul aux Galates. Autour de l'an 50 de notre ère, l'apôtre Paul écrivit depuis Corinthe cette lettre aux chrétiens de la Galatie, une province d'Asie mineure située au sud de la mer Noire. Au dire de certains ethnologues, les Galates étaient originaires de Gaule, d'où la ressemblance des noms. Ils auraient, dans une période reculée de l'histoire, quitté l'Europe occidentale et, suite à diverses migrations, seraient venus s'établir dans cette région. Ce n'est évidemment qu'une hypothèse. En revanche, ce qui est certain, c'est que les Galates entendirent l'Évangile pour la première fois par le moyen de l'apôtre Paul. Il était en voyage au centre de l'Asie mineure, Actes 16-6, lorsqu'une maladie l'y arrêta pour une période assez longue. Il rappelle d'ailleurs ces circonstances dans son épître. « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. » Galates 4.13. Il est probable que Paul souffrait des yeux, car il dit des Galates, précisément dans les versets qui suivent, qu'ils auraient été prêts à s'arracher les yeux pour les lui donner. Par ailleurs, il déclare au chapitre 6, verset 11, « Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. » Il semble donc que lorsque Paul écrivait lui-même, il était obligé de le faire avec de très grandes lettres, sans doute parce que sa vue était affaiblie. Ajoutons encore que le médecin Luc se joignit à la petite troupe qui accompagnait Paul, précisément dans l'étape de la Galatie. Un détail dans le livre des Actes nous permet de l'affirmer. Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, s'exprime à la troisième personne du pluriel lorsqu'il parle de Paul et de ses compagnons jusqu'en Actes 16-9. Et dès Actes 16-10, donc après l'arrêt en Galatie, il utilise le pronom « nous ». Probablement que l'apôtre eut besoin, dès ce moment-là, des services de Luc en tant que médecin. Mais les limitations physiques de Paul n'empêchèrent pas son témoignage. Au contraire, son infirmité fut l'occasion de prêcher l'Évangile aux Galates. Faisant allusion à sa maladie, il écrivit plus tard aux Corinthiens « Trois fois j'ai prié le Seigneur, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » 2 Corinthiens 12, 8 à 9. Effectivement, la puissance de Christ se manifestait au travers de la faiblesse physique de Paul qui glorifia son Seigneur parmi les Galates. Ceux-ci le reçurent avec empressement et joie car l'Évangile avait gagné leur cœur. Paul se sentait donc spécialement lié aux Galates. Aussi fut-il d'autant plus affecté lorsque de mauvaises nouvelles lui parvinrent de Galatie quelques années plus tard. Après son départ, d'autres prédicateurs avaient profité de son absence pour troubler les jeunes convertis. Ils les engageaient à se détourner de l'Évangile qu'ils avaient entendu et à dépendre de la loi de Moïse. Ces gens, qui n'avaient probablement pas saisi la portée de la grâce divine pour eux-mêmes, s'efforçaient de concilier l'inconciliable, se réclamant à la fois de la justice de la loi et de celle de Christ. Effectivement, la loi et la grâce sont deux principes bien différents. Paul les oppose à diverses reprises dans cet épître aux Galates. Par exemple, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Galates 5.4. Comme vous le constatez, Paul parle de façon absolue car les Galates sont vraiment en danger. Au début de sa lettre, Paul le montre clairement. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » C'est-à-dire qu'il soit maudit. Galates 1, 6 à 8. C'est un langage fort, car devant l'erreur, il faut être précis et absolu, et il faut des phrases dépourvues d'ambiguïté. Aujourd'hui encore, des déclarations nettes et fermes sont parfois nécessaires pour prévenir les déviations et sauvegarder la vérité doctrinale parmi les croyants. Tel fut le but essentiel des deux premiers chapitres de l'Épître aux Galates. D'abord, Paul explique la raison qui le pousse à écrire, puis il défend son ministère en racontant ses confrontations avec les perturbateurs. Ensuite, il fait le récit de son affrontement public avec l'apôtre Pierre. On peut se demander comment il se fait que Paul dût affronter Pierre, puisqu'il prêchait le même évangile que lui. Pierre, avec toutes ses qualités, n'était pas infaillible. Un jour, il a cédé aux pressions des faux apôtres, cautionnant peut-être sans s'en rendre compte leur message tendancieux. Paul dut lui résister en face, et il tient à l'écrire aux Galates pour que la situation soit sans équivoque devant tous. Au chapitre 3 de l'Épître aux Galates, Paul explique le rôle de la loi dans le plan de Dieu. Il la compare à un précepteur qui éduque l'enfant jusqu'à sa majorité. Lorsque l'enfant devient adulte, le précepteur n'est plus nécessaire. De même, les ordonnances de la loi sont devenues caduques quand la grâce a été manifestée par Jésus-Christ. Du reste, la loi de Moïse n'avait jamais amené personne au salut, comme elle n'a jamais répondu aux aspirations de liberté du cœur humain. Paul le démontre dans les chapitres 3 et 4 de l'Épître aux Galates, étayant ses arguments sur deux exemples de l'Ancien Testament. Premier exemple, Abraham n'a pas été sauvé en vertu de la loi de Moïse, qui d'ailleurs a été donnée 4 siècles après lui, mais en vertu de sa foi dans les promesses divines. Deuxième exemple, Agar et Sarah, les deux femmes d'Abraham, illustrent deux alliances. Agar, l'esclave, évoque Israël sous la servitude de la loi. Sarah, la femme libre, préfigure l'Église dans la liberté de la grâce. Quant aux deux derniers chapitres de l'Épître, ils décrivent les caractéristiques de la vie du croyant justifié par la foi et marchant par le Saint-Esprit. De ce fait, il n'est plus esclave de ses inclinations naturelles. Désormais, il marche en nouveauté de vie. C'est l'Esprit qui produit en lui des œuvres agréables à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre parle des fruits de l'Esprit qui ont remplacé les œuvres de la chair. Tout cela n'est possible qu'en vertu du renoncement à soi-même et de l'identification à Christ crucifié dans sa vie quotidienne. Peut-être faut-il s'arrêter brièvement sur cette expression « identification à Christ crucifié ». À la croix, Christ s'est livré volontairement en sacrifice pour nous racheter. Le croyant n'a pas à parfaire cette œuvre pleinement suffisante pour son salut, mais par amour pour son Seigneur, il apprend à renoncer à lui-même pour goûter à la vraie vie en Christ. C'est là l'expérience dont se réclame l'apôtre. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. Je conclurai cette brève analyse de l'Épître aux Galates par une parole du chapitre 4. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ce mot « Abba », qui se retrouve dans Romains 8, verset 15, était peut-être l'un des premiers mots qu'un bébé apprenait à articuler. C'est de l'araméen et il correspond un peu à l'expression « papa ». Paul décrit ici l'intimité et la relation d'amour d'un fils avec son père, d'un croyant avec son Seigneur. Après les craintes sous l'esclavage, ce sont les privilèges de l'adoption. Quelle merveilleuse réalité pour l'enfant de Dieu qui ne vit plus dans la servitude d'obligations légales ou dans la crainte, mais dans l'attitude d'un fils ou d'une fille qui s'approche librement et en tout temps de son Père céleste. Parce qu'il vit dans l'intimité de son Père, il peut aussi renoncer à lui-même et il entre avec conviction dans le chemin que le Seigneur lui trace. Il n'est plus esclave, mais fils. Et parce qu'il est fils, il est aussi héritier de Dieu. Qu'en est-il de votre relation avec Dieu? Êtes-vous son enfant? Pouvez-vous dire, comme l'apôtre, « Abba, Père » La fillette d'un capitaine de bateau dormait à point fermé dans sa cabine lorsqu'une tempête éclata. La situation devint si périlleuse qu'on vint la réveiller pour la préparer au sauvetage. Elle se borna à poser une seule question. « Mon papa, est-il sur le pont ?»« Oui, bien sûr, lui dit-on. »« Si papa est sur le pont, tout ira bien et le bateau ne fera pas naufrage, » répondit-elle en se retournant sur son oreiller. N'êtes-vous pas à votre tour en train de naviguer sur un océan en démence? La tempête des événements et des circonstances secoue votre embarcation qui menace de chavirer. Mais votre Dieu, votre Créateur, votre Père céleste, est-il sur le pont? Tient-il le gouvernail de votre vie? Dans l'affirmative, vous aurez la même confiance que cette petite fille. Et si Dieu n'est pas encore votre Père, pourquoi ne pas découvrir aujourd'hui son amour, ses bontés, sa fidélité? Alors, à la suite de l'apôtre et de millions de croyants après lui, vous direz « Abba, Père ». Et en vertu de l'Esprit de Jésus-Christ, prêt à remplir votre cœur dès l'instant où vous l'acceptez comme sauveur, et selon Galates 4:7, vous ne serez plus esclave, mais fils. Et pas seulement fils, mais aussi héritier par la grâce de Dieu.